C'était un empire immense, celui d'une dynastie turque venue des confins de l'Asie mineure, combattant de l'islam, les Ottomans. L'Empire ottoman. Mais que parlaient donc les Ottomans ? La langue dont j'allais avoir besoin, c'est pas le turc actuel, c'est une langue qui est même bien éloignée, de plus en plus éloignée du turc actuel, c'est ce qu'on appelait l'ottoman, qui est une langue qui est du turc pour ce qui concerne la syntaxe, la structure de la langue, mais un turc qui aurait inclus un très grand nombre de mots d'autres origines, c'est-à-dire de mots arabes et de persans, et même plus que des mots, des formules, des expressions. La langue officielle de cet empire était en fait une langue très complexe. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le professeur Weinstein qu'on vient d'entendre au Collège de France a précédé dans sa chaire notre invité d'aujourd'hui, Etem Eldem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de longue durée, enfin invité pour 5 ans dans la grande enceinte du Collège de France en 2018. Les éditions Fayard ont édité votre leçon inaugurale sur le thème « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Redonnez-nous un peu une idée de l'ampleur géographique de l'Empire ottoman, disons au 18e, au 19e siècle, qui vont nous occuper particulièrement aujourd'hui. C'est un empire qui s'étend de l'Europe centrale jusqu'au Yémen, de la Crimée jusqu'à l'Égypte, qui comprend ce qu'on appelle les régences barbaresques, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Irak, la Syrie, le gros de ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Mais avec, en plus, les Balkans, la Grèce, et ce, jusqu'au XIXe siècle. La chancellerie ottomane va utiliser le turc ottoman, mais aussi d'autres langues dans ses écrits, au moins au début. À ses débuts, la chancellerie, les Ottomans sont des nouveaux venus. Les Ottomans, dans le sens de cette dynastie qui descend de Osman, ce sont des nouveaux venus. Ils n'ont pas vraiment une culture propre. Ils parlent plutôt le turc, l'arabe à cause de la religion, le persan parce que c'est la langue culturelle de l'environnement. Je parle du 13e, 14e siècle. Et lorsqu'ils vont être en contact avec d'autres civilisations, d'autres États, ils vont tendre à utiliser des langues communes. Donc, ils vont utiliser, au XVe siècle, la chancellerie ottomane utilise aussi bien le grec que l'italien, que l'arabe, que le persan, et moins le turc. Le turc ne s'imposera par le biais du turc ottoman qu'à partir du XVIe siècle. Le turc ottoman en un mot, trois mots, dix mots, comment le définiriez-vous ? C'est du turc version impériale, c'est-à-dire que c'est un turc qui commence à se nourrir à d'autres langues, notamment le persan et l'arabe, mais pas uniquement, il y a énormément de grec et d'italien aussi dedans. C'est une langue qui commence à se constituer autour de l'empire, donc elle est synonyme, en fait, de puissance impériale, c'est la langue de l'Empire. Donc, c'est, comme le disait Gilles Weinstein, c'est du turc. La syntaxe, la grammaire est turque, mais en revanche, il y a un vocabulaire qui est extrêmement divers, qui comprend notamment de l'arabe et du persan. Alors, quand la Turquie est devenue république, c'est homogénéisé, pour employer cet euphémisme, le turc est devenu langue nationale. Comment, sous la langue nationale, ça va être notre question constante, retrouver le turc impérial, la langue nationale, la langue de la République. Mustafa Kemal l'organise en imposant, en 1928, l'usage de l'alphabet latin à la place de l'alphabet arabe, et puis en créant un peu plus tard une sorte d'académie française. Vous savez, les Français aiment bien se reconnaître en Atatürk. L'écrivain Nedim Gürsel. Après l'effondrement de l'Empire ottoman, avec la fondation de la République de Turquie en 1923 par Atatürk, il fallait purifier la langue turque. Et l'Académie de la langue fondée en 1932 s'est attaquée très violemment, d'abord contre le turco-perse-arabe, hérités de l'Empire ottoman, et puis tous les mots d'origine française et anglaise, américaine plutôt, qui, d'une façon ou d'une autre, avaient envahi notre langue. Par exemple, pour vous donner une idée des travaux de notre académie de langue fondée par Atatürk, il y avait dans le dictionnaire du turc, publié en 1932, seulement 35% de mots turcs, alors que maintenant, dans notre dictionnaire publié récemment, en 1975, le pourcentage des mots turcs est de 75% et même de 80%. Mais vous ne diriez pas, vous, Etem Eldem, qu'il y a un turc d'origine qu'on aurait retrouvé en le débarrassant de la gangue impériale? Si, il y avait un fond, un noyau dur de langue turque qu'on pouvait extraire, parce qu'il faut pas se faire d'illusions, au 19e ou au 18e, rares étaient ceux qui pouvaient maîtriser la langue ottomane, la langue haute, si vous voulez, celle de la culture ou celle de la chancellerie, y compris certains bureaucrates. Vous aviez un niveau intermédiaire, les scribes, les secrétaires, qui eux maîtrisaient la langue en aval et en amont, et c'est eux, en fait, qui maîtrisaient, qui manipulaient tout ça, qui gérait tout ça. Pour le reste de la population, déjà, vous aviez au moins la moitié de la population qui ne parlait pas le turc, qui parlait le grec, l'arménien, le kurde, toutes les langues que vous pouvez imaginer. Mais même parmi les turcophones, la grande majorité parlait un turc qui était probablement très semblable au turc que nous parlons aujourd'hui. La différence, c'est que avec le kémalisme et les années 30, on a commencé à inventer des néologismes pour remplacer des mots qui étaient tout à fait courants dans le turc ottoman ou dans le turc parlé par tous, qui était d'origine persane ou arabe, mais uniquement à cause de cette identité étrangère, ont été tout simplement évacués et remplacés par des néologismes. Souvent, on prétendait que c'était du turc d'origine qu'on allait repêcher dans je ne sais quelle source, mais en fait, on inventait une grande partie. Alors, je voudrais confronter votre expérience. Vous parlez de langue haute. Vous, c'est quand même très exceptionnel. Votre famille étant une famille de diplomates, née à Genève, vous avez été élevé en français, mais vous avez pratiqué, tout petit, je ne sais pas si c'était sous forme de dictée, le vieil ottoman. Oui, sous forme de dictée en plus, parce que ça c'est beaucoup plus rare. Alors là je suis vraiment très reconnaissant à mon père. J'avais à peine 5-6 ans quand nous étions à Damas, et dans cet environnement arabographe, du moins, il s'est mis en tête qu'il pourrait m'apprendre le turc ottoman. Et je l'ai appris en écrivant. Alors ça c'est beaucoup plus rare, puisque... En face de vous, une femme ordinaire. Je peux vous présenter comme ça? Absolument. Elif Deniz, bonjour, responsable des choses turques dans la maison d'édition Bleu Autour, où vous êtes notamment traductrice, famille ordinaire de kémalistes, laïque, enseignement public. Vous n'avez nullement appris l'ottoman? Non, à part quelques cours où on apprenait la poésie de Diwan au lycée, non, pas d'ottoman. Mais quand vous êtes arrivé en France, l'idée vous a pris d'apprendre l'arabe. Et alors là, vous avez vu que dans le turc que vous pratiquiez, il y avait beaucoup plus d'arabe que vous ne l'imaginiez. Oui, on était au moment des printemps arabes, et il y avait plein d'émissions qui passaient en France même, que je regardais, où j'entendais l'arabe. Je reconnaissais des mots, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre. Donc j'ai fait quelques semaines d'arabe, mais ça m'a été quand même difficile à cause de l'alphabet. Donc du coup, je félicite vraiment le papa d'Etem Eldem ici, parce que la langue, sans l'apprentissage, sans l'alphabet, c'est très très dur. Hein. Sachons-le, les Turcs utilisent l'alphabet latin actuellement. Mais alors, les mots arabes qui vous ont apparu, c'était souvent des mots très courants. Oui. Tout à l'heure, en parlant entre nous, je vous disais le mot épicier, bakkal. Ce cher vieux bakkal que je croyais, à cause de l'harmonie vocale qui subsiste dans la langue turque, qui est très importante, l'harmonie vocale, avec ses deux A et K au milieu, ça me paraissait mais vraiment du turc. Mais voilà, trahison. C'est un mot arabe et j'étais vraiment, vraiment très étonnée. Je ne savais pas tant de mots. Peut-être les trois quarts de mots que j'apprenais là-bas, je les connaissais. Oui, mais ça, de toute façon, ce qui est bakkal, l'épicier, ça vient de bakl. Et quand on dit bakliat, c'est-à-dire tout ce qui est fèves, haricots, etc., c'est la même racine. Et les gens ne le savent pas parce qu'ils n'apprennent pas l'arabe. Mais ça, c'était, ce n'est pas unique aux Turcs d'aujourd'hui. Je peux vous garantir que les Turcs, les Ottomans du 19e siècle, n'étaient pas plus calés en arabe que nous le sommes aujourd'hui. Donc il ne faut pas fantasmer autour de cette idée que tout le monde parlait l'ottoman, au contraire. La maîtrise de l'ottoman est quelque chose de tellement bureaucratique en quelque sorte, ou alors littéraire, que au-delà de cette crème, cette très fine couche de gens qui avaient à manipuler cette langue, le reste parlait un turc qui était beaucoup plus démotique. Denise, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ah ben, Deniz, c'est la mer. Et les Ottomans utilisaient Deniz pour la mer. Ils utilisaient aussi Daria, qui est la mer en persan, et Bahr, qui est la mer en arabe. Donc, vous avez Deniz, c'est votre nom. C'est mon prénom usuel même, parce que j'utilise un pseudonyme. Et ça vient de Tengiz, je suis sûre. C'est un lac, en fait, c'est un grand lac au Kazakhstan. Et c'est un mot Urola altaïque. Attendez, Uralo altaïque. Urola altaïque. Nous avons de l'Oural dedans, nous avons des Altaïs. Tout ça, c'est assez asiatique. Et il se trouve que la langue turque, qui est une langue agglutinante, est très, très voisine du coréen. Agglutinante, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser des prépositions comme on le fait en français, on ajoute des suffixes à la fin des mots pour donner le cas, etc. Donc ça rend la chose un peu plus compliquée, mais en fait beaucoup plus rationnelle. C'est très mathématique. C'est ce que disent en général les linguistes, mais aussi les mathématiciens. C'est-à-dire que le Turc a une structure extrêmement mécanique et extrêmement logique. Enfin bon, mais ce que j'allais dire, c'est que pour l'exemple de Deniz, Daria et Bahr, en turc aujourd'hui, vous direz Deniz, mais vous direz Daria gibi adam, c'est-à-dire un homme comme la mer, pour parler de ses connaissances. Donc vous utilisez quand même le terme persan et vous direz Bahriyeh pour parler de la marine. Donc ça reste, on ne peut pas épurer une langue. C'est-à-dire que l'épuration a été une opération politique. Je vais pratiquement utiliser ce que j'avais dit lors de mon inaugural. Je parlais de cléomanie, de la folie, il y a aussi une glossomanie, c'est-à-dire qu'on est fou de langue et qu'on est persuadé que en purifiant la langue, on va purifier la nation, on va rebâtir la nation. Alors je vous ramène à l'époque des Ottomans, avant tous les débats sur lesquels on reviendra du XXe siècle. Vous parlez de l'usage littéraire. On va entendre l'ensemble Hesperion 21, Jordi Savall, un poème de Fuzuli. Fuzuli ? Vous avez étudié ? Fuzuli. Ah, pardon. Vous avez étudié ça en classe ? Absolument. 16e siècle ? Et je me rappelle plus du siècle, mais 16e, je Première crois. Première moitié du 16e siècle. Mais il y avait une musicalité particulière, je me rappelle, chez Fuzuli. Mais alors, c'est un monsieur de Kerbala. Alors, arabo, persan, azéri, turc. C'est un doux mélange. D'ailleurs, ils le sont tous. Quand on parle de Mevlana, de Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi, est-il persan, est-il turc? Il dit parler le turc, mais il est d'origine persane. C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, les gens, il est surtout Rumi, c'est-à-dire romain. Rum, c'est le nom que donnent les Arabes à la terre de Rome, à l'Empire romain. Et l'Anatolie, pour eux, c'est Rome. Ouais. C'est Rumi. Donc, les Turcs ottomans, ils sont appelés par leurs voisins, très souvent, des Rumi, donc des Romains. Mais enfin, il est surtout très malheureux, parce que sa bien-aimée ne se lasse pas de prolonger son agonie. Tous sont réveillés, non pas par les sonorités de sa langue, mais par ses pleurs. Et comment ses pleurs n'alarme-t-il pas mon infortuné? Usandırdı usanmazımı Felekler yandı ahımda La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Mais quelle langue parlaient donc les Ottomans? C'est notre thème aujourd'hui. Elif Deniz, ici présente, et moi-même sommes étonnés par un de vos textes, Etem Eldem, professeur au Collège de France, un texte qui explique qu'au fond, l'Ottoman, avec tous ses raffinements, il avait pour fonction de sans cesse distinguer les musulmans des non-musulmans par une opération de discrimination invisible. Oui, compréhensible, mais invisible, enfin invisible à ceux qui n'étaient pas initiés. Qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas la langue haute. Enfin, je corrigerai quand même, ce n'est pas l'unique fonction de l'ottoman que de discriminer. Mais l'ottoman étant une langue impériale, donc une langue politique, c'est dans sa vocation justement d'exprimer l'idéologie de l'Empire. Donc c'est une langue qui va exprimer le pouvoir, et quand vous parlez de pouvoir, vous parlez de hiérarchie. Et lorsque vous parlez de hiérarchie, forcément, vous allez stratifier, vous allez isoler des catégories et vous allez en considérer certaines comme supérieures aux autres. Et la langue va vous aider à le faire. Donc l'ottoman va utiliser, et ça c'est aussi très ottoman, le fait d'utiliser de l'arabe, mais de l'utiliser soit à contresens ou dans un contexte totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a des formules que l'on pense être arabes, qui le sont lexicalement, mais qui en fait sont extrêmement ottomanes puisqu'elles n'ont pas cours dans la culture arabe. Et donc vous allez utiliser soit des termes différents pour exprimer des banalités comme naître ou mourir, ou alors vous allez faire un effort particulier pour insérer des coquilles, des fautes d'orthographe dans certains termes qui sont partagés par tous les habitants de l'Empire, afin de distinguer les musulmans des non-musulmans. Alors, on va prendre quelques exemples. Je viens en tant qu'ambassadeur du souverain François Ier, je passe la porte, la sublime porte du grand vizir. Comment est désigné mon maître François Ier, qui est quand même un souverain important? Ah oui, il est traité de padishah, donc d'empereur, ce qui est beaucoup. Presque un égal du sultan. Et dans la formule consacrée, lorsque vous citez quelqu'un, vous après le nom et les titres, vous allez faire une petite prière. Une petite prière pour le maintien de sa gloire, etc. Notamment quand il s'agit d'un ottoman. Et quand il s'agit de non-musulmans, que ce soit des princes ou des rois ou des ambassadeurs, vous allez leur souhaiter une belle fin. Et souhaiter une belle fin, c'est en gros leur souhaiter la conversion à l'islam. C'est quelque chose que vous ne direz jamais pour un musulman, mais donc c'est un peu un compliment vénéneux, un petit... Mais si je meurs en mission, alors je suis content, parce qu'on va dire en ottoman que ma tombe va être recouverte de terre. Alors ça aussi, mais ça c'est valable encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en turc, lorsque vous souhaitez le repos de l'âme de quelqu'un, d'un musulman, vous allez utiliser la formule consacrée de rahmet, de la miséricorde divine. Mais généralement, vous n'allez pas le faire pour un non-musulman, vous allez au contraire lui souhaiter une terre abondante. Alors, c'est extrêmement ambigu, on ne sait pas si c'est vraiment un souhait ou une insulte, mais en tout cas, c'est différent. Donc, on dresse des obstacles, des limites, des frontières. Imaginez que j'ai fait le pèlerinage chrétien à Jérusalem. Oui. Alors dans les deux cas, vous serez qualifié comme le pèlerin musulman de la Mecque? Exactement, verbalement, oui. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, les auditeurs le savent probablement, il y a beaucoup de noms grecs en hadji. Hadji Kyriakopoulou, Hadji Papazoulou, etc. Hadji, c'est hadji qui est de l'arabe, qui veut dire pèlerin. Seulement, vous allez faire attention à ne pas épeler hadji et hadji de la même manière quand vous parlez d'un... Donc vous allez l'orthographier correctement quand il s'agit d'un musulman, pardon, et vous allez utiliser le mauvais H lorsque vous allez parler d'un chrétien. Ça fait partie d'une invention ottomane, même si à la base c'est de l'arabe, c'est une distinction, une discrimination que les Arabes eux-mêmes ne font pas et que les Ottomans vont s'inventer. Vous voyez, Elif Deniz, toutes les subtilités que vous avez perdues en étant élevé dans une famille kémaliste ordinaire. Oui, le bas peuple ne voit pas ça, déjà. Je ne savais pas écrire. Je lui dis, au nom de 95% de la population ottomane, à l'époque ottomane, dans le 19e siècle, je ne sais pas écrire, déjà. Et que du coup, ça m'échappe. Hein, cette subtilité orthographique, ça m'échappe. Et encore aujourd'hui, quand on souhaite une abondance de terres aux morts non musulmans, à guide musulmans, moi, je crois que je fais une bonne action. En plus, en laïque que je suis, je l'épargne une intervention d'Allah. Parce que à l'autre, je souhaite la miséricorde pour moi, pratiquement, rahmet, c'est aussi la pluie. Je lui souhaite beaucoup de pluie aux musulmans, de la part d'Allah. Allah rahmet et il est. Mais, toprahubol osun, eh ben, grâce à ça, le non-musulman échappe à Allah. C'est pas plus mal. Moi, je ne trouve pas que ce soit très insultant. Finalement, votre famille a appris à écrire et dans l'alphabet latin, parce qu'il faut qu'on en vienne quand même à cette question. Le turc ottoman nous est quand même un peu dissimulé depuis que, en 1928, assez brutalement, Kemal Atatürk a substitué à la calligraphie arabe l'alphabet latin. C'est en 1928 que Mustafa Kemal impose l'utilisation obligatoire de l'alphabet latin. La calligraphie en vigueur jusqu'à cette date était la calligraphie arabe. Cette décision du maître de la Turquie répondait à une double préoccupation. Celle de se démarquer du monde arabe qui avait en quelque sorte trahi les Ottomans et celle de se rapprocher de l'Europe dans laquelle Mustafa Kemal puisait une bonne part de ses références politiques. Décision qui a tout de même provoqué des résistances, on en entend l'écho avec ce vieil ottoman. Aujourd'hui, ce n'est plus cet alphabet qui est utilisé en Turquie. Oui, c'est un accident de l'histoire. Dans l'histoire, il y a toujours des hasards, des vicissitudes. Çünkü Türkçenin ahengine, Türkçenin söz varlığına uymuyor idi. Cet alphabet ne convenait pas à l'harmonie et aux mots de la langue turque. Écrire et lire était très difficile. D'ailleurs, les problèmes que soulevait cet alphabet étaient déjà matière à discussion à la fin de l'Empire ottoman. Mustafa Kemal kendini bu tartışmaların içerisinde buluyor. Mustafa Kemal a grandi au milieu de ces discussions. Il était convaincu qu'il fallait changer l'alphabet. C'est un grand accident de l'histoire. Parce que les jeunes générations turques ne peuvent pas lire les livres imprimés avant 1928. Et ils ne peuvent même pas lire les pierres tombales de leurs ancêtres. Ah, Eldem, c'est un accident fâcheux parce qu'il rend le passé illisible. Oui, si tant est qu'il y ait vraiment un passé à lire. Le problème, c'est que, vous le disiez, à peine 5%, 10% peut-être à tout casser de la population était alphabétisée. Et par conséquent, l'argument qu'on a perdu les lettres de grand-mère, etc., ça ne vaut pas vraiment puisque grand-mère ne savait pas écrire. Donc il faut savoir que la production littéraire, elle était gérable. Par simplement la transcription, c'est-à-dire qu'il suffisait de translittérer ou de transcrire ce qui existait sous version imprimée ou manuscrite, et en gros le patrimoine littéraire aurait été sauvé. D'ailleurs, il l'a été. Donc, ce drame que l'on décrit, c'est un drame politique pour ceux qui attachent à la langue, à la calligraphie ou à la graphie, parce que calligraphie, la plupart écrivaient comme des cochons. Donc c'est la graphie arabe, une valeur mystique, oui, religieuse, attendez, etc. Voilà. Eldem, on n'écrivait pas comme des cochons quand on rédigeait les épitaphes dans les cimetières. Alors vous avez un grand goût des cimetières. Vous en avez beaucoup. Vous avez fait un livre avec Nicolas Vatin, notre invité d'hier. Alors quand même. C'est une de mes passions. Bah, on a perdu la lisibilité des épitaphes. Oui, mais les épitaphes, et je le dis en connaissance de cause, en général, elles sont extrêmement répétitives. Et bon, est-ce que vous passez le plus clair de votre temps à parcourir les cimetières de Paris en lisant les épitaphes? Non, je veux dire, évidemment, c'est malheureux d'avoir perdu. Encore une fois, perdre, c'est si ça avait été interdit, ça ne l'a pas été vraiment. Donc il suffit aujourd'hui d'apprendre l'écriture arabe pour renouer avec ce passé que l'on prétend avoir être disparu. Et franchement, c'est pas compliqué, parce que le problème de mes étudiants, par exemple, en paléographie, ils sont persuadés que le turc ottoman, c'est extrêmement difficile, c'est une sorte de mystère, de hiéroglyphe, etc. Pas du tout. Je leur dis toujours, si les Ottomans arrivaient à l'écrire, franchement, ça devait pas être très dur. Et c'est ça. Donc, il ne faut pas exagérer et politiser la question. On va pas faire de néo-ottomanisme comme tel ou tel chef d'État, suivez mon regard. Elif, Denise, vous avez dit que c'était un pseudonyme. Vous allez peut-être pouvoir nous avouer votre vrai nom, parce que avec les réformes de Kemal Atatürk, vous avez gagné votre nom. Oui, Ünal. Alors, comment ça se passait, l'imposition d'un nom, parce que vous êtes d'un village reculé Voilà, enfin, mon grand-père, plus exactement, était à Sinop, village d'Ayancık, et on venait d'avoir, je crois en 1934, la loi sur le nom. Tous les Turcs étaient obligés de prendre un nom. Et un nom de famille, pour comprendre. Un nom de famille, voilà. Et normalement, on avait le choix, on pouvait choisir son nom, mais pas tout le monde. Un jour, sont arrivés des émissaires du gouvernement à dos de cheval dans le village de mon grand-père, et ils étaient extrêmement épuisés. Ils n'ont même pas demandé quel nom on voulait. Ils ont dit seulement « prends un nom, Ünal ». Tout le village s'est appelé Ünal. Donc, je suis un peu comme Dupont. Allez, encore une histoire, celle du prénom de votre mère. C'est quoi d'ailleurs un prénom de nombril? Ah, un prénom de nombril, Göbek Adı, c'est, en fait, vous en avez ici, mais vous ne l'appelez pas comme ça, c'est un prénom qui vient d'un grand-parent. D'accord. C'est notre nombril, quoi. Et c'est ma mère, dans les états, dans les registres d'état civil, son nom a été écrit soit Hatice, c'est un prénom arabe, Hatice, soit Hadice. Alors, pour un Turc, ça peut se dire de deux manières. On peut prononcer en arabe, je crois, donc Etam doit savoir. On écrit d'une seule manière. Mais en turc, on peut le faire plusieurs. Et c'est comme ça qu'on a des batailles juridiques à ne pas en finir. Et c'est comme ça que votre mère a failli ne pas hériter. De mon père. De votre père. Merci à vous deux. Alors je signale qu'on peut trouver vos leçons sur le site du Collège de France. Etem Eldem, et que vous organisez au mois de mai, quand vous revenez dans notre pays, un colloque sur le thème des archéologues, amateurs ou professionnels, dans la deuxième moitié du 19e siècle, en Asie mineure et ailleurs. Cette émission a été préparée par Ininka Negulesco, avec Audrey Ripouille à la réalisation, Maxime Ingrand à la technique. Et chez vous, Fabrice Drouel. Le barrage controversé, l'un des plus grands barrages hydrauliques du monde, au cœur de la forêt amazonienne, le barrage brésilien de Belo Monte, qui ne fait pas grand cas, qui n'a pas fait grand cas des Indiens d'Amérique.